Femme bitches, un acharique je prie un cheese. Et ce soir on va s'asseoir. C'est DJ Kaiz et Mister You. On peut parler au Roller Q. De Marrakech à Bollywood. Casa Negra, voisine de Hood.